va mal, mais c'est pire quand tout va bien. Avec toi c'est différent, sans toi tout ça sert à rien. Mon père me dit qu'il est fier, je peux partir maintenant. Je me souviens quand c'était simple, ce sera jamais comme avant. J'ai tellement peur de la mort, parfois je pense à en finir. Je sais pas où vont tous ces gens, dis-moi viens je vais pas venir. Baiser jusqu'à tôt le matin. Quand on se drogue, on est fusionnel. Tu dis mon cœur, mais c'est pas le tien. Elle me dit que je suis pas comme les autres. Je disparais un peu plus chaque jour. Je vois mon corps allongé sur le sol. Elle dessine à la craie tout autour. J'ai oublié ce que je fais ici. Faire quand tu me détestes, j'ai pas d'autre choix que de m'en aller. Sur le chemin, je pense à ceux qui restent. Ça sent mal quand tout va mal, mais c'est pire quand tout va bien. Avec toi, c'est différent, sans toi, tout ça sert à rien. Mon père me dit qu'il